Palästina. Palästina, Irak. Palästina, Irak, Tchétchénie. Palestine, Irak, Tchétchénie, Kazakhstan, Afghanistan, Rwanda, Somalie, Yémen, Burundi, Yougoslavie, Timor, Tibet, Salvador, Chine, Chili, Corée du Nord, Argentine, Bolivie, Guatemala, Haïti, Venezuela, Colombie, Panama, Palestine. Palestine, Irak. Palestine, Irak, Tchétchénie. Palestine, Irak, Tchétchénie, Ouzbékistan, Arménie, Pakistan, Indonésie, Vietnam, Laos, Suriname, Cambodge, Philippines, Afrique du Sud, Irlande du Nord, Amérique, Chiapas, Mexique, Russie, Sibérie, Mourmansk, Casamance, Kabylie, Euskadi, Côte d'Ivoire, Darfour, Tanzanie, Zimbabwe, Paraguay, Palestine. Palestine, Irak, Palestine, Irak, Tchétchénie, Kazakhstan, thank you.